boys and girls, this is Rip and Roach. Oh oh oh, salut à tous, on est dans Pop and Rock sur RVR et il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Ce soir, une heure consacrée au cabaret vert pour le concert du Brian Johnston Massacre. We'll be right back. Allez, on enchaîne. Un troisième titre du groupe de Anton Newcombe, The Brian Johnstone Massacre. Thank you. Right on. retrouver tous les mercredis. Makes me feel good. I'm very happy to be here. In fact, I'm happy to be any place our countries aren't bombing right now. Bien dans Pop and Rock sur RVR, et vous l'avez compris, ce soir, un seul groupe, un seul concert, le Brian Johnston Massacre. Si vous aimez, allez, je vous conseille quelque chose que je vous avais conseillé il y a longtemps dans Pop and Rock. Cherchez dans YouTube un film qui s'appelle Dig, D-I-G, point d'exclamation. One, two, three, one, two. We'll be right back. un groupe pop and rock. Thank you. Ce soir dans Pop and Rock, un concert, pas de coupure, pas de montage, juste de la musique. Anton Newcombe, le Brian Johnston Massacre. All right, let's party. You guys know where any parties are? Wait a minute, can we get red lights instead of yellow? Can we just make it red now? Rouge? Super. Thank you. Allez, notre heure consacrée au Brian Johnston va se terminer avec un dernier morceau live. Et puis je rajoute un petit morceau studio parce que j'aurais bien aimé l'écouter en live, mais ils ne l'ont pas fait. Donc on écoutera un petit extrait de Just For Today pour se quitter. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même en même endroit. Bis à tous. Yeah. sky.